Bien, je vais vous faire une petite présentation de mes travaux de thèse, effectivement, qui ont porté sur le développement de la filière bois pour les forêts vosgiennes au 19e. Alors, quand on parle d'une filière industrielle, on s'intéresse à un développement industriel qui est en plusieurs segments que vous connaissez pour le vocabulaire, en distinguant des activités de l'amont vers l'aval de la filière, avec des segments donc, de production, de fabrication, d'organisation. Donc en amont, on aura bien sûr l'exploitation forestière. Au centre, ce qu'on peut appeler la première transformation, donc du sillage ou du marnage, on y reviendra. Et puis de la seconde transformation qui va conduire à transformer une nouvelle fois le bois déjà scié en des produits beaucoup plus élaborés, notamment des produits de consommation. Comme le thème de ces journées était les hommes et la forêt, j'ai plutôt privilégié ma réflexion sur les hommes, effectivement, en mettant en évidence ce qu'on appelle des acteurs de la filière, des acteurs privés, bien sûr des entrepreneurs. Et j'ai mis les marchands de bois parce que ça va être un acteur, on verra, essentiel de la filière. Les propriétaires forestiers, bien évidemment, tous ces gens-là mobilisent une main-d'œuvre qui est souvent importante et qui constitue aussi, sur le plan humain, un élément important aussi de cette filière. Des acteurs publics, c'est une particularité de cette filière industrielle qui combine à des périodes où souvent le public n'est pas très présent dans l'industrialisation. Ici, il va être particulièrement présent avec l'administration forestière ou d'autres administrations auxquelles on ne pense pas parce qu'elles n'ont plus d'intervention aujourd'hui dans l'exploitation forestière, comme l'administration de la marine, par exemple. Mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les collectivités territoriales, bien sûr, les communes, le département des Vosges, puisque je centre ma réflexion sur ce département. Ces acteurs ont des activités complémentaires, elles peuvent être aussi concurrentielles, on en abordera certains aspects. On peut parler aussi d'une conscience de filière, puisqu'on s'intéresse ici à la construction. On va s'apercevoir que certains acteurs réfléchissent non plus simplement au niveau de leur activité, mais aussi au niveau d'une filière, en prenant conscience que peut-être ils ont tout intérêt à maîtriser justement les activités de l'amont en aval, ou bien de remonter de l'aval vers l'amont. Ça sera le cas pour un certain nombre d'entrepreneurs. Le département des Vosges, je vous ai remis une carte parce que tout le monde n'a pas forcément en tête ce département des Vosges, qui est un département au sud de la Lorraine, hein, avec une couverture forestière, on va voir, assez importante, qui a bien sûr la particularité à partir de 1870 d'être en frontière avec l'Empire allemand, ce qui a aussi des incidences sur la construction de cette filière bois. En termes de couverture forestière, on a un certain nombre de statistiques. Ici, vous en avez une de 1800, donc 38, par canton vosgien, qui vous permet de voir qu'on a un taux de boisement entre 35 et 37%, avec, à la veille de la guerre, à peu près 213 000 hectares. Bien sûr, plus de résineux que de feuillus. Disons, ça, ce sont des chiffres moyens qui ne rendent pas compte tout à fait de la réalité de la couverture forestière vosgienne, puisqu'il y a des déséquilibres. Bien sûr, il y a plus de feuillus dans la partie ouest que dans la partie est, qui est la partie montagneuse, avec le massif vosgien. Et puis, la particularité vosgienne aussi, c'est qu'on a des espaces domaniaux et communaux qui sont extrêmement importants en termes de forêt, avec à peu près 57 000 hectares de forêt domaniale, enfin d'aménagement, hein, bien évidemment, j'y reviendrai, et de forêt communale de 120 000 hectares. Par contre, les forêts privées ne sont pas très importantes à l'échelle vosgienne. Elles sont présentes quand même partout. Je peux vous montrer aussi la carte qu'on a à partir de la statistique de 1908. Le rouge correspond aux forêts privées, donc vous voyez qu'elles sont très émiettées et qu'elles couvrent peu de la surface départementale, de la couverture forestière. Par contre, vous voyez que les forêts domaniales et communales, bien sûr, on retrouve la partie est qui est beaucoup plus couverte par les forêts que la partie ouest, avec 44 forêts domaniales et 65% en plus de 500 hectares, puisqu'on aura d'immenses massifs forestiers dans la partie est, 687 forêts, j'ai mis domaniales, c'est communal, qui représentent 76% plus de 200 hectares. Par contre, vous voyez que les forêts privées sont très émiettées, avec quand même plus près de 24 000 propriétaires, mais qui n'ont parfois que de tout petits bois à exploiter. Quand on parle des hommes pour la forêt vosgienne, pour la première moitié du 19e siècle, ce sera une forêt qui est dominée avant tout par une autre activité industrielle qui n'est pas l'activité du bois, de la transformation du bois, mais l'activité de la métallurgie. Vous avez un certain nombre de bassins métallurgiques que j'ai mis en évidence, les triangles correspondant aux forges et puis les carrés aux fourneaux. Alors vous avez plusieurs bassins métallurgiques qui vont être très consommateurs en bois et qui ne vont pas permettre à la filière, pendant la plus grande partie de la première moitié du 19e siècle, de pouvoir se former correctement, parce que vous avez toute une production du bois qui est détournée en quelque sorte pour le charbon de bois et donc qui n'est absolument pas valorisée. On a des estimations qui sont assez importantes, en 1838, 432 000 stères qui sont consommés par cette métallurgie, donc c'est énorme. Mais bien évidemment, si on parle, on reste sur le plan humain, les maîtres de forge sont quand même les premiers entrepreneurs du bois pour cette période-là, parce que bien sûr, ils le transforment en charbon de bois, c'est ce qui l'intéresse, mais comme ils exploitent aussi de gros bois, ils le transforment aussi en planches avec des scieries. Et c'est eux aussi qui font du flottage de bois sur la Moselle ou sur la Meurthe et qui entretiennent des relations étroites avec le milieu des maîtres flotteurs et des marchands de bois qui existent aussi. Et ça forme un premier milieu entrepreneurial assez important dans lequel la conscience de filière va peu à peu se forger, justement, sans faire de jeu de mots. Et sur le plan humain, ces gens-là emploient des milliers de personnes. Il y a un foisonnement de toute une main-d'œuvre qui travaille dans les forêts, qui donc abattent les arbres, les transforment en charbon de bois. Donc, ce sont des bûcherons, des charbonniers. Et on sait bien que c'est ce qu'on appelle cette main-d'œuvre externe, puisqu'elle ne travaille pas à l'intérieur de l'enceinte de la forge, mais elle travaille donc dans les espaces boisés, et souvent 4 ou 5 fois supérieure à la main-d'œuvre qui travaille à l'intérieur de la forge. Donc, pour vous donner une idée, pour une forge qui emploie 20 ou 30 personnes à l'intérieur de son enceinte, elle en aura peut-être 5 ou 800 qui vont travailler à l'extérieur de la forge. Alors, bien sûr, à partir des années 1860, il y a une première rupture chronologique, c'est que la métallurgie du bois va se casser la figure dans les Vosges, elle va être concurrencée par la métallurgie au charbon de terre, et c'est en quelque sorte une première désindustrialisation qui se produit avec des sites qui sont abandonnés ou qui sont reconvertis. Et l'autre acteur qui existait bien sûr et qui va pouvoir, disons, intervenir beaucoup plus dans ces espaces forestiers, c'est l'administration des forêts. Et cette administration des forêts, elle va s'appuyer sur le code forestier de 1827 qui va lui demander d'exclure définitivement des forêts domaniales, les droits d'usage, c'est-à-dire les droits de consommation des habitants. Alors ça va se faire très très lentement, avec des procès souvent interminables, chacun essayant de tirer la couverture forestière à soi, d'un côté les communautés d'habitants, de l'autre l'administration forestière. Mais disons qu'à partir des années 60, les commissions de cantonnement, c'est-à-dire l'administration forestière qui était chargée de faire les cantonnements, c'est-à-dire d'enlever les droits d'usage, mais je fais simple, hein, des forêts domaniales pour les limiter aux forêts communales, et c'est là qu'on va avoir une délimitation de plus en plus précise des forêts domaniales et des forêts communales, ces commissions-là se transforment en commissions d'aménagement. Et l'aménagement va cette fois-ci réfléchir de plus en plus en termes de besoins de bois, mais de bois industriel. Et ces commissions d'aménagement vont réfléchir pour aménager les forêts vosgiennes en futaies, c'est-à-dire en parcelles de gros arbres. Avec une révolution qui reste lente, 140-150 ans, parce qu'on est quand même très vite à des altitudes élevées dans la partie est du territoire vosgien, et donc l'arbre croît de toute façon lentement, avec une méthode d'exploitation que je ne peux pas expliquer ici, qui est le réensensement naturel et les éclaircies, c'est-à-dire qu'on laisse un certain nombre d'arbres qui vont assurer la régénérescence de la forêt et procéder à des éclaircies successives, avec tout un débat entre la futaie régulière et la futaie jardinée, sachant que la futaie est donc jardinée, futaie déjà par régulière, on crée des parcelles où on n'a que des arbres à peu près du même âge, alors que dans la futaie jardinée, on laisse cohabiter des arbres d'âge différents. Et le débat est assez vif dans les Vosges parce que, compte tenu des conditions climatiques, la futaie jardinée semble plus adaptée du fait de la croissance lente des arbres. Ça permet aussi de faire des abattages moins intenses, peut-être plus réguliers mais moins intenses, d'éviter donc la pénétration des vents et la multiplication des chablis. Donc on a tout un débat là-dessus. Et donc l'administration forestière devient un acteur majeur à partir de ces années 18, à partir de la machine de juillet, et surtout les années 50-60, où elle se met à réfléchir à l'aménagement des forêts vosgiennes. Et que ce soit la futaie jardinée ou la futaie régulière, de toute façon, après maint débat, le conseil d'administration de cette administration à la fin du 19e siècle dit de toute façon, on procède à des coupes principales ou à des coupes d'amélioration ou d'éclaircie, et finalement le système est à peu près le même. Hein, mais bien évidemment, il a fallu mettre tout cela en place. Avec une vente qui est contrôlée aussi par l'administration forestière, une vente aux enchères au rabais, on met fin aux enchères montantes et on les transforme aux enchères au rabais, c'est-à-dire qu'on met une valeur maximale et on descend l'enchère au lieu de la monter. Et on vend des lots sur pied, c'est-à-dire qu'on détermine des lots qui vont comprendre des arbres de tailles différentes, d'essences différentes, et on les propose aux enchères. Et c'est le mode de vente qui est le plus utilisé, à 85% notamment, dans la statistique des années 1870. Avec des cahiers des charges très précis concernant les acheteurs de ces lots, qui doivent faire attention bien sûr aux arbres qui ne sont pas abattus, aux entretiens des chemins, ce qui a lieu aussi à sujet à contestation. D'autant plus qu'un autre acteur industriel intervient dans ces ventes à partir de la fin du 19e siècle, c'est les papetiers qui vont commencer à produire des pâtes de bois chimiques ou semi-chimiques ou mécaniques, hein, soit chimiques parce qu'on transforme le bois en utilisant des agents chimiques, soit mécaniques parce qu'on les broie mécaniquement. Et ces industriels-là interviennent aussi dans les ventes et réclament d'ailleurs des ventes plus adaptées à leurs besoins, parce que les gros bois, ça ne les intéresse pas. Donc il y aurait de nouveau une demande en petits bois, parce qu'on a cet essor de la papeterie. Et on parlait des agis tout à l'heure. Les agis sont intéressants pour les papetiers, parce que, effectivement, c'est une taille de bois qui correspond à leurs besoins industriels. Tout cela fait qu'au début du XXe siècle, les Vosges, on tire à peu près des Vosges une récolte de 750 000 à 800 000 mètres cubes de bois par an. Les forêts domaniales en fournissent entre 250 000 et 300 000 mètres cubes par an. Les forêts communales, 400 000, et les forêts privées, à peu près 100 000. Ce qui nous fait à peu près 5% de la production nationale de bois d'œuvre au début du XXe siècle. Alors, je parlais des hommes, donc là j'ai parlé des acteurs, j'ai parlé des maîtres de forge, et puis ensuite de l'administration forestière. Mais une fois que les aménagements sont faits, bien sûr, le milieu entrepreneurial des marchands de bois prend une importance assez importante, et donc il mobilise aussi une main-d'œuvre importante. Alors, le milieu des marchands de bois, c'est à peu près 350 marchands de bois qui travaillent sur le secteur départemental. Mais en fait, c'est un milieu qui est beaucoup plus restreint que ça, parce que quand on étudie les adjudications de bois pour la seconde moitié du XIXe siècle, très vite on s'aperçoit que sur 350, on a à peu près une trentaine qui achètent massivement les ventes de bois de l'administration forestière. Et il y en a une dizaine qui sont capables d'acheter dans plusieurs inspections forestières à la fois. Donc finalement, ces milieux entrepreneurs est composé de multiples petits entrepreneurs, de petites entreprises familiales, mais ce qu'on pourrait appeler les barons du bois, si je reprends l'expression de Jean-Marie Moine pour les barons du fer, ils sont limités, disons, à quelques dizaines. Ces marchands de bois, bien sûr, mobilisent une main-d'œuvre extrêmement importante, 3500 personnes en amont de la filière, dont 1500 bûcherons patrons. Alors ça ne veut pas dire qu'on a que 1500 bûcherons, ça serait bien peu à l'échelle départementale. Quand je parle patron, c'est au sens de chef d'équipe qui eux-mêmes mobilisent ensuite plusieurs dizaines de bûcherons pour réaliser une coupe. Les activités de sillage prennent un essor particulier aussi, avec une amélioration technique des scieries. On passe de la scierie à plomb à ce qu'on appelle le haut fer, donc, que vous connaissez sans doute, dont on en a gardé un certain nombre de spécimens, je dirais, sur le territoire. Et des scieries qui sortent de la forêt aussi, pour se rapprocher des nœuds de communication routiers ou ferroviaires, et qui n'utilisent plus seulement l'énergie hydraulique, mais aussi la vapeur, qui deviennent des unités beaucoup plus importantes, qui sont capables d'employer jusqu'à 100 personnes pour les plus grandes. Mais bien sûr, là encore, on aura un émiettement considérable de scieries familiales qui vont employer parfois que 5 ou 6 personnes. Et en aval, c'est là qu'on peut considérer qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on a véritablement une filière, parce que le segment aval n'existait pratiquement pas. Les objets de seconde transformation étaient extrêmement limités. Et à partir des années 1860, on voit des secteurs de fabrication, de seconde transformation qui se constituent. La menuiserie, avec des tas de produits différents, les lattes, les parquets, et ainsi de suite. La fabrication de meubles, qui devient une spécificité de l'Ouest vosgien, la région de Neuchâtel, Liffol-le-Grand. La boissellerie mécanique, industrielle, que ce soit les objets en bois divers ou les jouets, etc. Alors, la lutherie, je l'ai mis, mais c'est un peu particulier parce que la lutherie n'utilise pas le bois local. Par contre, elle mobilise plusieurs centaines de personnes dans le secteur de Mirecourt qui travaillent le bois, et donc on ne peut pas les exclure totalement de la construction de cette filière. Alors là, j'avais mis la carte des bûcherons, la carte des sagars. Alors vous voyez qu'à chaque fois, elles sont déséquilibrées, bien sûr. La partie est du département comporte toujours beaucoup plus de main-d'œuvre dans le secteur concerné que la partie ouest. Mais il y a quand même une extension vers l'ouest du fait du développement des secteurs de seconde transformation que j'ai évoqué, comme la fabrication du meuble, par exemple. Le secteur du sillage-menuiserie, donc vous voyez les unités de sillage-menuiserie. Quand je parle sillage-menuiserie, c'est à la fois une scierie avec souvent des scies multiples, plus des ateliers de menuiserie où on transforme le bois une seconde fois en objet ou en produit de menuiserie. Et là, vous voyez aussi la concentration dans la partie, donc notamment nord-est du département, toute la vallée de la Meurthe, où là, on a les plus grands établissements industriels, et notamment l'établissement Le Cuve, qui sera la famille Le Cuve, qui va mettre en place les plus grandes unités de transformation avant la Première Guerre mondiale. Je parlais du bois, je vous ai mis la carte du bois, donc vous voyez là c'est inverse, tout le secteur de la fabrication du meuble est côté ouest du département et est. Pour quelles raisons le bois va utiliser le chêne et le hêtre, qui est donc plus massivement présent dans la partie ouest du département, et il va se faire dans un contexte d'essor de la fabrication du meuble à l'échelle nationale. La Haute-Marne va être concernée, la Meuse est un peu concernée aussi, la Haute-Saône va l'être beaucoup, puisqu'on a un secteur, on a toute une série de lignes ferroviaires qui va permettre de bien relier toutes ces régions forestières au marché parisien. Et les entrepreneurs parisiens vont venir se mettre en relation avec les marchands de bois vosgiens pour, bien sûr, importer du meuble, et souvent du meuble qui n'est pas fini. Je vous l'ai mis en contrebas là, de la diapositive. Vous voyez, ces sièges ne sont pas garnis, ils seront garnis à Paris et non pas dans les Vosges. Mais la particularité aussi quand même de la fabrication du meuble, c'est que petit à petit, on a des entrepreneurs du meuble qui deviennent indépendants par rapport au marché parisien, qui vont proposer leurs propres sièges garnis, leurs propres ensembles mobiliers, les chambres à coucher, les salles à manger. On parlait du style Henri II tout à l'heure, qui fera furie. Et petit à petit, on a des entrepreneurs qui eux-mêmes se démarquent du marché parisien, et en disant d'ailleurs, nous ne sommes pas des meubles pour Paris, nous avons une production vosgienne complète, etc. Et donc, je parlais de la conscience de filière. Là, on voit des gens qui, effectivement, ont bien l'intention de s'imposer dans ce secteur-là et de gérer, de contrôler toute la filière. D'ailleurs, on a des entrepreneurs de meubles qui, petit à petit, se font marchands de bois et on les voit vendre, acheter ensuite des coupes. Donc ils remontent la filière de l'aval vers l'amont. Hein. Par contre, les marchands de bois sont quand même au cœur de la filière, puisqu'on va avoir des marchands de bois qui passent de l'exploitation forestière, ont leur propre scierie et ensuite développent leurs ateliers de menuiserie, voire même une fabrique de meubles. Et donc là, on a une descente aussi de la filière de l'amont vers l'aval. Voilà, alors en bilan des activités, l'exploitation forestière, donc à peu près 350 marchands de bois en amont, première transformation, à peu près 250 scieries sur le territoire départemental. Bon, il y en a beaucoup plus que ça, mais 250 scieries, disons, qui sont insérées dans un marché régional ou national pour leurs produits, pour la vente de leurs produits. Et en aval, à peu près 170 entreprises, boisseleries, menuiseries, etc. Les acteurs privés, donc à la fois les marchands de bois, mais aussi les fabricants de meubles et ainsi de suite. Donc ça fait à peu près 2500 entrepreneurs qui vont mobiliser à peu près 7500 salariés et travailleurs indépendants, auxquels il faut ajouter, bon, on ne peut pas les ajouter en net, puisque une administration a de multiples activités, mais il faut pas les oublier. Donc on arrive quand même à peu près à 10 000 Vosgiens qui travaillent dans cette filière bois à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est donc le deuxième secteur industriel après celui du textile qui, lui, mobilise quand même entre 45 000 et 50 000 Vosgiens. Donc on est une taille au-dessus, mais il n'empêche que cette filière est déjà bien installée. Elle a gardé d'ailleurs un certain nombre de caractéristiques jusqu'à aujourd'hui. Et notamment une exploitation forestière qui est restée intense et qui est bien un héritage de celle qui s'est construite au XIXe siècle. Voilà, je pense que je n'ai pas trop pris de temps. J'ai essayé de réduire un peu parce qu'on est un peu en retard. Je me permets quand même, bien sûr, de vous remercier et de mettre quand même mon ouvrage donc, qui est sorti au mois de mai 2018, que vous pouvez trouver donc dans la petite salle à côté. Et si vous voulez davantage donc, de renseignements sur cette filière, vous pouvez vous plonger un peu dans les pages de ce livre. Merci.